Every man. Experiment. around the world, between time and continents. No wait, no hope, here and now. Push! Push the present down with you. Musician. About to make notes, about to make sound, experiment. Alors, parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux.